Incline ton oreille, éternel, réponds-moi, car je suis malheureux et indigent. Garde mon âme, car je t'appartiens. Tu es mon Dieu, mon secours. Aie pitié de moi, Seigneur, car vers toi je crie chaque jour. Réjouis l'âme de ton serviteur, car j'élève mon âme vers toi. Apprends-moi tes voies, éternel. Je marcherai dans ta vérité. Unis mon cœur à la crainte de ton nom. Que je t'aime sans partage. Que tu as faites viendront, elles se prosterneront.